La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que la vraie vie entre guillemets ? Je préfère vous prévenir. Il n'est pas prévu que nous parlions beaucoup de science dans notre émission d'aujourd'hui, même s'il peut toujours y avoir des surprises. Je m'en excuse auprès des auditrices et des auditeurs qui préféraient que nous évoquions les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'intrication quantique, l'invariance de jauge, la métallisation de l'hydrogène, la 5G, les cellules souches, voire le coronavirus. Mais j'ai choisi pour cette fois de donner la priorité à une question qui nous intéresse tous, du moins tant que nous sommes en vie. Cette question est à la fois simple et abyssale. Vivre vraiment, vraiment vivre, en quoi cela consiste-t-il au juste ? Pas facile de répondre. Ne nous arrive-t-il pas, en effet, d'avoir l'impression de passer à côté de ce que nous appelons, sans trop savoir de quoi nous parlons, la vraie vie ? Comment pourrions-nous caractériser la nature de cette vraie vie ? Est-ce la vie bonne ? Est-ce la vie heureuse, la belle vie ? Le résultat incertain d'un laborieux développement personnel ? Ou encore autre chose ? Pour répondre à ces questions, qui sont plus qu'existentielles, j'ai invité une paire de François. Le premier François est François Julien. Bonjour François Julien. Bonjour. Vous êtes philosophe, helléniste et sinologue. Vous avez écrit un très grand nombre d'essais. Je pourrais passer plusieurs minutes à lire les titres de vos ouvrages. Je ne citerai que le dernier qui vient de paraître, qui s'intitule « De la vraie vie » et qui répond très précisément à la question posée. Le second François est François Livonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et éditeur. Vous venez de publier François Julien, une aventure qui a dérangé la philosophie. Et vous avez dirigé le cahier de Lerne consacré à François Julien en 2018. En effet. Et vous avez également dirigé un livre que je dois dire je n'ai pas lu, mais qui vient de paraître et qui s'intitule Art et Concept. Peut-être que vous pouvez nous le présenter. Oui, c'est un projet collectif d'artistes variés. Il y a à la fois des architectes comme Jacques Ferrier, par exemple, critiques de cinéma comme Jean-Michel Fredon, des musiciens comme Aurélien Dumont ou comme Stéphane Gaulier. Donc un certain nombre d'artistes qui utilisent le travail de François Julien, les concepts de François Julien, à la fois dans leur pratique, mais également dans la réflexion qui accompagne cette pratique. Précisons donc que ce sont des artistes qui parlent de philosophie. Qui parlent de leur travail et qui ont recours à la philosophie pour penser leur travail. François Livonnet, imaginez que vous soyez à l'oral de l'agrégation de philosophie, mais pour un oral abrégé, pour un oral d'abréviation en somme, comment résumeriez-vous la philosophie de François Julien, sa démarche philosophique ? La résumer, vous voulez un aphorisme. Non, je crois. Je ne sais pas si l'exercice qui consiste à résumer une pensée ne passe pas à côté de ce qui fait la richesse de cette pensée. En tout cas, ce qui m'importe, c'est à la fois le ton nouveau que François Julien introduit dans la démarche philosophique, un certain risque dans la volonté de relancer la philosophie, une certaine manière tout à fait originale d'interroger nos catégories de pensée par ce pas de côté, par ce dehors qui est la pensée chinoise. Et tout cela, c'est un projet philosophique qui est extrêmement continu. Il y a à la fois des essais successifs, mais qui en même temps correspondent à un travail continu. On parle des fils que l'on tire. Il y a un travail philosophique qui est, de ce point de vue-là, extrêmement rare et précieux. Et d'où mon désir. Mais le titre de votre livre, c'est François Julien. Le sous-titre, c'est « Une aventure qui a dérangé la philosophie ». Ça veut dire que la philosophie, avant, était rangée ? Oui, il y avait je dirais que la démarche philosophique, si on la fait remonter par exemple à Aristote, c'est une démarche de rangement, différence. Qu'est-ce que c'est que le rangement ? Bah, c'est d'installer ce que l'on a différencié, de l'installer dans des lieux fixes, hein, dans des des espaces fixes, un peu définitifs, alors qu'il s'agit de la part de François Julien de déranger, dans les deux sens du terme, déranger, donc à la fois retirer ces rangements, agacer d'une certaine manière les rangements, et de l'autre c'est dérangeant, je dirais presque intellectuellement, parce que ça suppose de penser autrement, ça suppose une autre disposition d'esprit. Et dans ce livre, vous dites quelque chose qui nous rapproche du sujet que nous allons traiter dans cette émission. Vous dites « la philosophie grecque n'est pas à l'aise avec le verbe « vivre ». ». Oui, ça on peut le vérifier. Alors que moi j'ai l'impression que, au contraire, il y a une sagesse grecque qui nous indique comment bien vivre. Là, je réponds presque à la place de François Julien, mais il fait référence au tête-à-tête lorsque Socrate, à la définition « qu'est-ce que la sagesse ?», répond « c'est la science ». Je dirais que on n'est pas vraiment sorti de là pendant très longtemps. Et ce que montre très bien François Julien, c'est que la question du vivre, elle va être récupérée par la littérature. C'est la littérature qui va parler du vivre. Ou la religion ? Ou la religion, mais pour parler du survivre, j'irais avec un tiret. Donc c'est arracher le vivre pour vers quelque chose d'autre. Là, on retrouverait la question de la vie ou d'une autre vie chez saint Augustin. Non, je crois que la philosophie, à partir des Grecs, va tourner le dos à la question du vivre, en laissant le vivre à la littérature et tardivement au roman, par exemple. Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse particulièrement chez François Julien, c'est cette façon de faire travailler la littérature et la philosophie à nouveau frais. François Julien, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette analyse de François Libonnet. Oui, je pense dire une chose, c'est que oui, la philosophie grecque s'occupe du vivre, oui. Simplement, elle pense dans les termes de l'être. Or, penser dans les termes de l'être, ce que la philosophie n'a pas choisi, puisqu'elle parle la langue de l'être, implique des choses considérables, notamment le fait de penser sur le mode de la généralité, donc le concept, or le vivre c'est du singulier, sur le mode de la non-contradiction, or le vivre est contradictoire. Donc si vous voulez, c'est pas parce qu'on parle de la vie qu'on peut appréhender ce qu'est vivre. Les philosophies grecques, parlant dans les termes de l'être, quelque part est nécessairement se trouver déporté ou est rendu non disponible pour appréhender la question du vivre, qui, encore une fois, est ambiguë, est contradictoire, bref, ne peut pas se ranger sous les catégories de l'être. Mais pourquoi est-ce que vous dites que le vivre est contradictoire ? En quoi l'est-il ? L'ambivalence, par exemple. Le fait qu'on puisse aimer et détester les mêmes personnes, c'est une banalité de la vie, et qui fait que la non-contradiction, principe de la philosophie, en tout cas, majoritaire dans la philosophie, Parménide, Platon, Aristote, le principe de non-contradiction, que je ne puisse pas dire de la même chose au même moment, cela et son contraire, la vie nous y porte, je dirais, constamment. Donc il y a une ambiguïté essentielle au vivre que le principe de non-contradiction ne va pas reconnaître. Est-ce que j'ai raison et même le singulier, la philosophie n'a cessé d'être un effort, pour chez les Grecs, pour s'élever au concept, donc penser selon la catégorie du tout. Or, justement, vivre, c'est un singulier qui ne se range pas sous le tout, qui résiste à la totalisation. Donc, et c'est pas que le roman que François Yvonnet évoque à l'instant, effectivement, lui traite, disons, du singulier à l'aise, parce que c'est son choix propre. Mais est-ce que j'ai raison de dire que votre obsession, finalement, c'est l'autre, la question de l'autre, associée à la question de la contradiction ? Est-ce que ça vous résume, même si le terme résumé est abusif ? Oui, alors c'est la question de l'autre, mais je crois que c'est la question de l'autre, c'est la question de la philosophie depuis toujours. Penser autrement, c'est comme l'ambition de la philosophie, reprise par Foucault, reprise par Deleuze. Mais comment peut-on penser autrement ? C'est ça la question. Comment peut-on sortir de la philosophie, de ce qu'elle est, pour la déranger, si je reprends ton terme, à savoir la déporter de ce qui est quand même, disons, la fatalité de la philosophie, qui est de s'installer. La philosophie ne cesse de se désinstaller pour se réinstaller. Elle ne cesse de se déranger pour se re-ranger. Donc, d'être philosophie en essor et après de devenir scolastique. Et, disons, l'académisme ne favorise pas les choses, bien sûr. Non. Donc, je vois que c'est la destinée de la philosophie que de ne cesser de vouloir penser autrement, en même temps que de ne cesser de revenir chez soi. Et je crois que donc il y a un effort à faire pour faire que ce dérangement soit un dérangement qui devienne méthodique, qui devienne stratégique. Donc il se réfléchisse dans sa possibilité pour pouvoir ne pas trop tôt se laisser à nouveau ranger. Lacan disait « Tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue ». Je confirme, n'ayons pas ce bonheur-là. Et d'ailleurs vous, François Livonnet, vous expliquer comment on peut traduire certains mots chinois. Et dites-le vous, François Julien, que le premier mot que vous avez appris en chinois, c'est chose. Mmh. Or, chose se dit en chinois est-ouest. Dongxi. Dongxi, je ne sais pas si je prononce. Dongxi, oui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à comprendre une langue qui, comme ça, se joue des contradictions, des corrélations? Le monde se dit ciel-terre. On parle évidemment du yin et du yang. Là où nous parlons de paysage, c'est-à-dire d'une portion de pays que la nature offre à un observateur, c'est la définition du Robert, la Chine dit montagne haut. Comment est-ce qu'on arrive à créer une traduction qui soit fidèle dès lors que tout se décrit en termes de polarité? Mais justement, c'est une épreuve. Je veux dire, c'est une épreuve qui est un travail. C'est quelque chose qui se fait pas à pas, qui se fait par petit forçage continu, puisqu'il faut au fond, à la fois, quand on traduit, chercher des équivalences, donc assimiler, et en même temps, il faut faire entendre ce qui résiste à cette assimilation. Donc traduire est paradoxal, si on l'éprouve effectivement. C'est pas seulement ranger, c'est pas seulement rabattre, traduire. C'est commencer à ranger dans la langue d'arrivée, mais en même temps faire entendre ce qui résiste à ce rangement. Et je crois que le cas du chinois est exemplaire, parce qu'une langue qui ne conjugue pas, qui ne décline pas, qui n'a quasiment pas de grammaire, n'est-ce pas, et qui n'a pas le verbe être, je parle du chinois d'avant l'arrivée de l'Europe au 19e siècle, donc toute la langue chinoise classique, c'est donc quelque chose d'un dérangement que j'ai chaque fois que j'ouvre une page du chinois. Et après, il y a toutes les stratégies pour essayer de sortir ce dérangement, donc de commencer à ranger. Et il faut se souvenir en même temps que c'est une opération transitoire, qui est une dont il faut ne pas être dupe. Parce que sinon, on refait toujours la lune par rapport au soleil. On fait toujours, si vous voulez, de la pensée chinoise, une sorte de facsimilé de la pensée européenne, ce qu'elle n'est pas. François Livonnet, vous parlez chinois? Non, je ne parle pas chinois, mais j'ai une attache avec la Chine, puisque mon arrière-grand-mère était chinoise. Mais ça ne se transmet pas génétiquement. Donc non, ce que dit très bien François Julien à plusieurs reprises, c'est que quand on parle de la chose, du paysage, et la façon dont la Chine finalement envisage cela de façon extrêmement différente, c'est inimaginable, du point de vue de notre langue pensée, de notre tradition intellectuelle, inimaginable. Mais quand on fait l'effort, comme il l'a fait, de se déplacer, d'aller vers cet ailleurs, c'est intelligible. Et ce décalage entre l'inimaginé et l'intelligible, à la fois, ça évite le piège des projections culturelles, etc., etc., de l'ethnocentrisme, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il y a un commun possible. Ce commun, c'est le commun de l'intelligible. Donc, penser. Commun de l'intelligence. Le commun de l'intelligence. L'intelligence, au fond, c'est la capacité à traverser des intelligibilités diverses dans une commune activité de pensée. Et alors, ça me fait douter de mon intelligence, parce que moi, quand j'apprends que le mot chose se dit est-ouest, je conclus que le mot chose, le concept de chose, n'existe pas en chinois. Non, mais justement. Alors, c'est là, intéressant. Il y a simplement une transposition, une sorte de déportation d'un concept dans une langue qui ne le contient pas. Oui, mais alors là c'est intéressant parce que justement, c'est ça qui interroge, qui nous interroge, qui fait que de passer par la Chine est une façon de pouvoir réinterroger la philosophie et en amont d'elle, la langue, notre langue. Parce qu'en même temps, c'est très intelligible. Disons, on passe du point de vue unitaire de la chose, et si on donne le primat à la relation, à la corrélation, aux opposés complémentaires, comme yin et yang, qu'on n'a pas traduit, c'est que, justement, il y a d'autres cohérences possibles. Et je tiens à ce terme de cohérence, parce qu'au fond, c'est cohérent aussi que d'aborder le réel, mauvais terme, mais disons, pour commencer à s'entendre, du point de vue de la corrélation. C'est-tu que c'est cohérent? Ça a des effets de clarté. Comme ça a des effets de clarté, de présupposer un point de vue unitaire, ontologique, inscrit dans l'être. Mais justement, l'intérêt de la pensée chinoise, c'est qu'elle nous sort d'emblée de ces termes de l'être, puisque pensant en termes de relation. François Julien, vous avez écrit dans un autre livre, il faut apprendre à fracturer le semblable. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop compter sur vous pour fonder un nouveau parti politique. Je pense que la politique bénéficierait aussi de décoïncidence. C'est un concept auquel je tiens, l'écart, la décoïncidence. Et je crois qu'aujourd'hui, où on a des effets comme ça, totalitaires, qui nous encombrent, réouvrir de l'écart, pratiquer la décoïncidence, donc, disons, rompre, oui, les adhérences massives, me paraîtrait salutaire en politique face à, disons, l'inertie à laquelle sinon on est condamné. Dans ce livre donc de la vraie vie qui vient de paraître, François Julien, vous dites quelque part, vous revenez sur ce dicton, cette formule, la fête est avant la fête. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase? C'est-à-dire qu'il y a une, peut-être naïveté, qui est de croire qu'on a accès immédiatement à l'immédiat de la vie. Non. Il y a le différé, il y a le projeté. Donc l'idée que je vais souhaiter, quand on dit banalement, on dit croquer la vie à plein dents, ou l'expression latine, cueillir le jour, carpe diem, on voit ça comme étant la vraie sagesse. Mais non. Non, parce que, si vous voulez, il y a une illusion, une naïveté à laquelle on s'accroche, bien sûr, qui est de penser qu'on pourrait mordre la vie, dans la vie comme dans une pomme, à pleines dents. N'est-ce pas ? Et je crois que non. C'est que, justement, le vrai vivre n'est pas dans cette sorte d'immédiateté naïve de rapport à la vie. L'injonction, il n'y a pas d'injonction. Non, la seule injonction, c'est, oui, alors le memento vivere, n'est-ce pas ? Souviens-toi de vivre, qu'on a dit dans toutes les langues, mais qui est une sorte d'injonction qui vaut peut-être comme rappel à l'ordre, mais qui ne se constitue pas en pensée possible. Parce que vivre n'est pas de l'ordre de la possession, de l'ordre de l'emprise, et vivre échappe. D'ailleurs, carpe diem a une anagramme terrible. Hein. Ça déprime. Ah oui. Et alors, revers. Une question complètement décalée. Imaginons qu'un jour, on apprenne qu'il existe une vie extraterrestre. Qu'il existe quelque part des humanoïdes qui nous ressemblent. Est-ce que cela changerait quelque chose à votre philosophie du vivre ? Nullement. Nullement parce que je distingue quand même le vivant et le vital. Du point de vue du vital, il y a peut-être d'autres formes de vital. Non, mais qu'est-ce que c'est que vivant ? Qu'est-ce que c'est que effectivement vivant ? Si je reprends les termes grecs, si c'est plus seulement psyché, le souffle vital, mais zoé, la vie, la vraie vie, la source de vie. Je crois qu'on revient au même problème essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'être effectivement vivant ? Donc, qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? Et pour moi, la vraie vie, c'est une définition toute simple. C'est de résister à la non-vie. De même que l'opposé du vital, c'est la mort. Eh bien, un opposé du vivant, c'est la non-vie, la pseudo-vie, le semblant de vie. Quand on croit vivre et qu'on ne vit pas, effectivement. Et ce qui me paraît essentiel, c'est que si on veut penser la vraie vie, on ne peut pas lui donner de contenu positif. Sinon, on refait toujours le paradis. On ne peut que penser la vraie vie comme étant le non à la non-vie. Je reprends la formule que Adorno a mise magnifiquement en tête des Minima Moralia. La vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. Qu'est-ce que ça veut dire ? La vie ne vit pas. Eh bien, c'est qu'il faut donc voir ce qui, dans la vie, ne vit pas, ce qui perd de vie. Alors, au centre de mon livre, c'est ce que j'essaie d'analyser. Comment la vie se perd, comment elle s'enlise, comment elle se résigne, comment elle s'enlise, comment elle s'aliène, comment elle se réifie. Donc, toutes ces formes de perte de vie. Et c'est donc dans la dénonciation de la perte de la vraie vie qu'on peut accéder à la vraie vie. C'est pas en faisant, si vous voulez, de façon béate, proposant un contenu qui sera toujours le paradis, ça a commencé, parce qu'il faut quand même se souvenir que cette formule de la vraie vie, elle ne cesse d'habiter la pensée européenne. Platon d'abord, dans le tête-à-tête, chantait la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. Mais il la projette dans l'au-delà, il la projette au paradis. Et cette formule, moi, elle m'intéressait parce que elle a hanté les plus grandes pensées chez Augustin, De vera vita, on la trouve Rimbaud, la vraie vie est absente. La fin de Proust, tout Proust aboutit à cette réflexion-là, la vraie vie. Hein. Et quand il finit, la vraie vie, c'est la littérature. Et puis donc Adorno, Das wahre Leben, c'est quand même ce qui habite sa pensée, et surtout après l'épreuve de la Shoah. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a cessé d'invoquer cette formule comme formule suprême, comme peut-être expression ultime, sans s'y arrêter. Et donc le projet de ce petit essai, c'est de s'y arrêter pour essayer d'en faire un concept. Mais d'où vient ce soupçon que la vie que nous menons, qui nous traverse toujours un moment ou un autre, n'est pas vraiment la vie ? D'où ça vient cette impression qu'il subsiste une nostalgie de la vie dans la vie même, comme vous dites ? Oui, je crois que c'est essentiel. C'est un sentiment, je crois, et se laisse là facilement partager, même si on a très tôt tendance à le rabattre ou à le recouvrir. Parce qu'il y a des choses qui, évidemment, inquiètent. Dans l'idée que la vie que je vis ne pourrait être qu'un semblant de vie, que je pourrais passer à côté du vraiment vivre. Donc je pense que c'est quelque chose qui affleure aisément, inopinément dans notre expérience, mais nous sommes tentés de rabattre pour remettre les choses à leur place, pour de nouveau, remettre les choses sur pied en quelque sorte. Mais qu'on pourrait au contraire tirer cette inquiétude comme ça qui affleure inopinément pour se mettre à réfléchir sur ce qui est peut-être l'écart premier entre rester dans ce semblant de vie ou de cette pseudo-vie, ou alors essayer de s'en écarter pour ouvrir une autre possibilité dissidente, décoïncidente, par rapport à ce qui se révèle comme ça, soudain comme étant peut-être un semblant, et que la vie aurait déserté notre vie. Et donc, la vraie vie est absente, c'est quelque chose que je crois rôde dans notre expérience. Alors soit on essaie encore une fois de l'oublier, soit on essaie au contraire de s'y arrêter et de penser ce que pourrait être vraiment vivre. François Livonnet, je vous sens bouillant de l'envie d'intervenir. Oh, si on veut. Il y a des mots importants, des concepts importants chez Julien, comme par exemple l'idée d'enlisement et le désenlisement, comment la vie peut s'enliser d'une certaine manière. Or, cet enlisement, on en fait tous l'expérience. Et le concept de décoïncidence, il faut le rapporter à cette expérience de l'enlisement. L'enlisement, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une expérience commune. Comme lorsqu'il parle de ce si lassant réel, cette idée d'un réel qui devient lassant, qu'on ne voit plus, et d'une certaine manière, on ne le voit plus parce que si on en reste à la vue, on a affaire à ce qui lasse. À la fois l'attention se défait, à la fois la réalité échappe. Donc, je crois qu'il y a là une remarque, un ensemble de remarques essentielles dans la mesure où il ne s'agit pas d'échapper à l'enlisement en allant ailleurs. C'est pas par des ruptures, c'est pas par des conversions. Or, toute une littérature est du côté de la rupture et de la conversion. C'est pas faire intervenir la vie même, c'est de faire intervenir autre chose que la vie. Donc ici, il y a cette façon de se tenir au plus près de la vie tout en mesurant ce qui, dans la vie, peut être enlisement. Mais si je perçois que la vraie vie est ailleurs, ça va déclencher en moi le désir de changer de vie. Mais je crois que, si vous voulez, qu'il faut penser les choses dans la capacité même de nos existences. Je crois qu'on est tous travaillés par cette idée que... on est tous travaillés par l'idée d'un écart, de ne pas avoir une vie totalement normée, donc d'être dans une certaine dissidence. Mais la question devient, est-ce que cette dissidence que j'engage est porteuse d'autre chose? Est-ce qu'elle peut ouvrir à un autre possible? Et au fond, il y a une vie qui... je crois qu'il n'y a que deux vies, que deux façons de vivre. Soit une vie qui se réfugie sous la normalité, même si elle a le sentiment d'une possibilité de dissidence, et puis une qui fait progressivement par ce qu'on appelle transformation silencieuse, c'est-à-dire par petit décalage, progressivement, pour laquelle s'entrevoit une autre possibilité. Et c'est dans le... laisser s'entrevoir une autre possibilité, qu'il puisse y avoir ouverture d'un écart effectif qui soit fécond, qui soit ressource. Quand on sent que la vie est ailleurs, est-ce qu'on peut demeurer dans le même état, suivre son cours de vie comme si cette pensée n'avait pas affleuré? Mais je crois qu'il faut entendre ce qu'on entend par ailleurs là. C'est pas ailleurs là-bas, c'est pas un ailleurs du paradis, c'est que la vie se déshabite elle-même. C'est là qu'on sort de la métaphysique pour penser peut-être une éthique de l'existence qui au fond nous fait prendre conscience que nous sommes immanents dans le monde, nous demeurons dans le monde, mais en même temps que nous demeurons dans le monde, nous pouvons nous tenir hors. Nous tenir hors, exister. Se tenir hors, et donc c'est cette capacité-là qui est éthique. C'est-à-dire de ne pas, justement par rapport à l'enlisement, par rapport à la résignation, par rapport à tout ce qui vient comme ça, confiner notre vie, ce qui peut nous en décaler, et qui laisse entrevoir une autre possibilité, mais dans la vie. C'est pas un ailleurs d'ailleurs. C'est un ailleurs qui... C'est une sorte de décoïncidence au sein de la vie même qui permet de réactiver la capacité de vie ou de, disons, la remettre en essor en la retirant à sa nature étale dans laquelle, disons, elle s'enlise ou se perd. Je ne veux pas abuser des anagrammes, mais il y en a quand même une dont je voudrais voir comment elle vous provoque, François-Julien. La vraie vie est ailleurs, a pour anagramme « la rivière suit sa vallée ». Ça vous inspire quelque chose? Suit sa vallée. Je dirais que pour moi, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est pas de faire comme la rivière qui suit sa vallée. Qui serait plus une formule chinoise, n'est-ce pas, de conformisme ou de... Oui, ça fait un peu chinois, justement. Oui. Oui, l'eau coule sous les ponts. Mais disons, justement, je pense que la vraie vie, c'est dans un effort à dire non. Donc, à ne pas suivre. Vous savez, quand on dit c'est la vie, c'est cette formule qu'on a tous comme ça, bah oui, c'est la vie. Pour moi, c'est une résignation. On sent que c'est une formule qui vous énerve. Quand on lit votre livre, vous y revenez plusieurs fois. Bah, oui, parce qu'elle me paraît... Elle nous vient tous à la bouche, si vous voulez. Donc, c'est pas une formule inventée, mais elle porte déjà une résignation. Elle porte déjà une restriction ou une rétractation des possibles. Et je crois que la vraie vie, c'est justement être vigilant sur ce qui commence toujours à se perdre de notre vie, par résignation, par enlisement, par toutes ces... Et qui fait que, eh bien, on se laisse aller à cette pseudo-évidence de « c'est la vie ». De la vie, c'est ainsi. Mais est-ce que la vraie vie ne suppose pas une forme d'acceptation, de contraintes sur lesquelles on ne peut pas jouer ? Ah non, je pense que là, il y a une résistance. Là, je crois que c'est là qu'il y a écart, qui est écart, qui devient écart actif. Et c'est justement de secouer, d'ébranler cette sorte de résignation qui tend si facilement à nous habiter pour penser activement ce que peut être dans la vie, cette façon de s'écarter de la pseudo-vie, de ce qui n'est plus qu'une... une apparence de vie, qui est une vie qui est creuse ou vide, ou bon, bref, et qui se perd. Oui, non, François Lionel. J'ajouterais que la vraie vie, c'est pas, ne contient pas ou ne comporte pas une disqualification de la vie. Pas plus qu'il n'y a, et ça a été dit tout à l'heure, l'idée d'un dépassement au sens hegelien du terme. Non, je crois qu'on pourrait ici, et là, c'est François qui va s'exprimer, il y a un texte important qui est une seconde vie, c'est-à-dire penser une seconde vie, non pas par la disqualification ou en rupture avec une première vie, mais à partir de la vie même. Tout à fait. Parce qu'en fait, mes livres sont les chapitres. C'est-à-dire qu'il y a eu seconde vie, ensuite des coïncidences, mon dernier l'inouï, tout ça s'enchaîne. Parce qu'au fond, la vraie vie, c'est la relève de ce concept d'inouï que j'essayais de proposer précédemment, qui est justement comment déborder l'expérience dans l'expérience. Parce que l'expérience tend à se border, à se ranger, à disons, et à se présenter comme telle, comme une évidence. C'est la vie. Et donc, je crois qu'il y a à déborder l'expérience dans l'expérience. C'est pas une autre expérience. Simplement, l'expérience, il faut pas la laisser abattre dans l'empirisme. Ni la laisser verser dans l'idéalisme, ni la laisser verser dans le vitalisme, ni non plus dans l'empirisme. Non. Et je vois que l'expérience ne cesse de se laisser border, donc il faut avoir cette vigilance de la déborder. Non pas la dépasser, la métaphysique, mais la déborder. C'est-à-dire, la sortir de ses bordements, de façon à, bordement du genre c'est la vie, n'est-ce pas, pour la remettre sous tension, la remettre en essor, et donc en capacité de se désenliser, de se dérésigner. Pour moi, c'est là que je vois l'expression qu'il faut travailler un peu la langue. Oui, dérésigner, désenliser, désaliéner, déréifier, tout ce dé du défaire, de la décoïncidence par rapport à, disons, la façon dont la vie peut se laisser comme ça, oui, perdre. Et on retrouve cette distinction très précieuse entre la métaphysique, bon, la métaphysique avec le dualisme depuis Platon, qui est une invitation justement à quitter la vie pour une autre vie, en tout cas à introduire une différenciation qualitative, alors que le métaphysique, et non pas la métaphysique, le métaphysique est attentif justement à ce débordement, à cette possibilité dans l'immanence même d'un débordement, et non pas s'arracher d'une certaine façon à l'immanence par une transcendance qui nous renverrait vers un ailleurs. Vous savez qu'on passe un morceau de musique dans cette émission, l'heure en est arrivée. Qu'est-ce que vous avez choisi, François-Julien ? Moi j'ai proposé Debussy parce que c'est vaste et ça me plaît toujours. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. François-Julien, François Livenet, Rêverie de Debussy, interprété par Alain Planès. Est-ce que c'est de la vraie musique? Certainement. Je crois que ça l'est vraiment, oui. Est-ce que le fait sans orchestration, sans grand théâtre, non, c'est... Voilà. Est-ce que ça dit des choses de la vraie vie, alors, d'une certaine façon? Je pense que la fonction de l'art, en général, l'art est une médiation pour accéder à l'immédiat. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est la vocation, beaucoup plus que de gérer du beau ou de je ne sais quoi de cet ordre-là. Non, je pense que l'art, la fonction essentielle de l'art, c'est de nous faire réaccéder à de la vraie vie. Régis Debray, que je recevais l'autre jour pour parler d'écologie et de la façon dont ce que nous savons des modifications de l'environnement implique des modifications de nos vies, interrogeait le lien entre pensée et vie, disait ceci, il est plus facile de changer de pensée que de changer de vie. Quel est le lien entre la vraie vie, François-Julien, et la vraie pensée? Je ne suis pas sûr qu'on puisse séparer comme cela penser et vivre. Je pense qu'au fond, c'est le même geste qui est engagé. Parce qu'il y a une sorte de représentation facile où la pensée serait l'abstraction et vivre serait d'un autre ordre. Je ne suis pas sûr. Non, je crois qu'au fond, vraiment penser, c'est comme vraiment vivre. Et si on a vraiment pensé, eh bien cela, disons, induit de vivre autrement. Donc je crois que cette distinction est facile, mais il faut la réinterroger. Il me semble que vivre et penser vont de pair, sont dans un même geste, et que, disons, résister à la non-pensée, au semblant de pensée, résister à la non-vie, au semblant de vie, ça marche ensemble, et c'est la vocation de la philosophie d'ailleurs. Sinon, pourquoi ferait-on la philosophie si ce n'était pas parce qu'on est convaincu, au fond, que vivre et penser sont, disons, la même exigence? Mais si on accédait à la vraie vie, est-ce que nous aurions encore besoin de morale? Non, je pense que non, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'au fond, alors, accéder à la vraie vie, c'est pas quelque chose qui n'a rien de mystique ou disons de... Non, c'est simplement ne cesser au sein même de la vie d'avoir cette vigilance pour dire non à ce qui s'en perd. Encore une fois, s'enlise, se réifie, s'aliène, etc. Mais je crois que dès lors qu'on accède à de la vraie vie, plutôt qu'à la vraie vie, à de la vraie vie, eh bien, on est dans une disposition qui est effectivement éthique. C'est-à-dire... parce qu'au fond, si on pense la morale comme étant ne peut pas faire de tort à l'autre, eh bien, ce n'est que de conséquences. C'est résultatif. Et ce qui m'importe justement, parce qu'on est, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la morale sur un mode purement prescriptif, traditionnellement kantien, enfin, du commandement qui ne marche plus, je dirais. Et donc, qu'est-ce qui est, peut être au départ de la morale? Si ce n'est pas justement cette capacité à, déréifier, désaliéner sa vie, enfin, la désenliser, et de façon à, disons, toucher à nouveau à de la capacité de vie effective, dont découle ensuite, par conséquence, une possibilité morale. Oui, puis je crois que le... François Livenet. Oui, le mot morale, mores, les mœurs, hein, les manières d'être, aussi les manières de vivre. Je dirais que la morale elle-même comporte cette idée-là, comme l'éthique d'ailleurs. Donc on ne peut pas enfermer la morale simplement dans un système d'impératifs, de prescriptions, comme tu le dis. J'ai l'impression à vous lire, François-Julien, que vous n'aimez guère le développement personnel, qui encombre des rayons de philosophie dans beaucoup de librairies. Oui, c'est même pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est que je trouve que c'est de la pseudo-pensée. Alors de même qu'on peut, dans la pseudo-vie, il y a de la pseudo-pensée. C'est-à-dire, on peut croire que c'est de la pensée, en fait, ça n'est pas du tout, parce que ça a une autre logique, qui est une logique marchande, une logique, si vous voulez, de facilité, et où on gère de l'opinion et du boniment, au lieu de se mettre dans cette difficulté de vraiment penser, c'est-à-dire de cette exigence de dire non à la non-pensée, enfin bon, ce que j'évoquais tout à l'heure dans cette vigilance. Donc je crois qu'effectivement, il y a quelque chose... Alors, il faut comprendre pourquoi, les vents personnels. Parce que la philosophie, classiquement, dans les termes de l'être, a laissé tomber... Non pas la vie, mais le vivre. Le vivre dans ce que j'évoquais de singulier, d'ambivalent, bref, ne se rangeant pas sous les termes de l'être. Et traditionnellement, c'est le religieux qui a pris en charge, le vivre. Mais avec le retrait du religieux, aujourd'hui, il y a une sorte de champ laissé en friche. Et c'est le développement personnel qui le recouvre. Donc la question, elle nous réinterroge aussi dans, l'exigence qui revient à la philosophie. Pourquoi a-t-elle laissé au développement personnel ce champ-là? Et donc, comment aujourd'hui reprendre la main pour faire que cette sous-pensée renvoyant à une sorte soit, rendu à ce qui est, c'est à son inconsistance. Donc, parce qu'il y a en fait une sous-pensée, plutôt une pseudo-pensée, qui est une sous-pensée, oui, comme il y a une pseudo-vie. Et les deux marchent ensemble. Mais l'ambition est quand même conforme à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire il s'agit de travailler sa propre vie pour la rendre plus... Mais attendez, philosophe, c'est-à-dire que moi je vais avec des concepts et des questions, et je ne vais pas avec des recettes. C'est là qu'il y a une différence de discours. Et c'est ça qui est en jeu. C'est qu'il faut essayer, je dis bien essayer, parce que c'est difficile, c'est là qu'il y a l'exigence, de produire des outils pour essayer de penser cet accès à de la vraie vie. Et non pas se contenter soit de reprendre des bonnes formules de la sagesse ancienne, mais déjà très usées, mais sans doute encore valides, et puis une sorte de... c'est le renoncement à l'exigence de la pensée qui ne peut pas conduire à une exigence de vie. C'est ça qui est en jeu. Oui, je crois qu'il faut ajouter le fait, vous parliez tout à l'heure des librairies où les rayons philosophie, développement personnel sont sinon côte à côte parfois mélangés. Ça pose le problème de la visibilité des livres de philosophie en tant que tels, je dirais, de leur existence quasi matérielle. Je rappelle que vous êtes éditeur. Je vous le rappelez. Il y a des librairies qui continuent à faire un travail louable, mais il y a des librairies dans lesquelles les rayons de philosophie s'amenuisent. Et en effet, d'abord, le même espace avec le développement personnel, et le développement personnel finit par devenir la norme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, parce que ça n'est évidemment pas la même chose. Vous qui êtes scientifique, c'est comme si on mettait côte à côte, comme allant de soi, les livres de Darwin, l'origine des espèces, et des essais scientifiques sur la théorie de l'évolution, et le créationnisme tout à côté, comme si ces choses, au fond, étaient de même nature. Enfin, ça introduit des confusions qui sont très inquiétantes. Il y a remarqué une chose, c'est que les livres de développement personnel n'ont plus d'auteur. Ils sont mis par thème. Donc il n'y a plus une pensée, il n'y a plus la singularité d'une pensée, il n'y a plus le risque d'une pensée. Donc il n'y a plus la pensée active. Il y a une sorte d'audimat l'expression terrible qui aujourd'hui fait ravage, c'est livres qui font du bien. N'est-ce pas? Il y a même un prix, paraît-il, du livre qui fait du bien. Donc il faudrait interroger cela. Alors ce que je reproche au développement personnel, c'est qu'il n'interroge pas. Il caresse, disons, dans le sens de l'idéologie, et donc, comme il y a une perte d'idéalité aujourd'hui dans nos sociétés, idéalité politique, idéalité religieuse, il y a une sorte comme ça de d'entente sur un repli sur soi, et que le développement personnel vient caresser, dans le sens du poil, bien sûr. Et je crois que c'est là qu'il y a danger, parce qu'il y a une sorte d'idéologie molle qui s'est instaurée, sans plus d'idéalité, mais en faisant semblant néanmoins d'articuler du vital et du spirituel, ce qui est quand même son fond de commerce, et qui est de la non-pensée, parce que n'y travaille pas ce qui est le travail même de la pensée, à savoir, et concevoir et interroger. Le concept est la question. Je voudrais vous interroger, François Julien, sur la réception que vous avez faite de la pensée d'un autre philosophe qui s'appelle Clément Rosset, je ne sais pas si vous l'avez connu, j'imagine que oui, qui expliquait que le non-être n'existe pas et que pourtant nous ne cessons de l'invoquer en complétant le réel par d'autres réalités absentes. Il dit « Nous inventons même des mondes parallèles, juxtaposés, rivaux fantomatiques du réel, qui servent à la fois d'alibi et de compensation dérisoire au seul monde possible qui est le nôtre. Ces autres mondes qu'on pourrait qualifier d'alternatifs prennent de multiples formes, du mari cocu qui se persuade malgré l'évidence que son épouse est fidèle, à l'amoureuse qui finit par déclarer à l'être aimé « je t'aime, m'échange », en passant par le métaphysicien idéaliste qui se convainc que la vérité comme la vraie vie est toujours ailleurs, dans quelque arrière-monde dont l'adresse ne nous est jamais indiquée. D'où ce constat général formulé par Clément Rosset. C'est un des mystères attachés à la condition humaine et à la définition de sa folie essentielle, que le domaine de l'inexistant est presque toujours la part plus belle par rapport au domaine de l'existant. Or, vous avez dit, vous, François-Julien, que la vraie vie, le fait de l'invoquer, n'est pas un dénigrement de la vie. Donc, en quoi votre pensée s'appuie-t-elle ou conteste-t-elle celle de Clément Rosset sur cette question? D'abord, je pense que la fin de sa proposition renvoie vers la métaphysique. Donc, tente à faire penser que la vraie vie est absente parce qu'elle est ailleurs. C'est ça que je récuse. Est absente non pas parce qu'elle est ailleurs, mais parce qu'elle se déshabite elle-même, parce qu'elle se désertifie, parce qu'elle se perd elle-même. Donc ce n'est pas du tout un ailleurs qui est en jeu, dans ce qui peut être cet affranchissement de la vie, sortant, se libérant de la pseudo-vie. Mais je veux dire, Clément Rosset n'a cessé, je crois, parce que ce que vous avez lu là en une page, c'est sa pensée en général. Il pense dans un terme de l'être. ça c'est, il n'avait pas sorti, mais et très légitimement, il réinterroge du dedans de l'ontologie ce qui est en marge de l'ontologique. Et en se demandant si c'est pas au fond ce qui a le plus de prix. Donc au fond, je crois que Clément Rosset fait bien apparaître les contradictions même de l'ontologie. C'est ça, je crois, son grand chantier. Et il me semble que ce qui est en jeu, c'est ce qu'évoquait François Livonnet à l'instant, savoir distinguer la métaphysique, qui elle situe la vraie vie dans un ailleurs, et puis une autre tentative qui est de penser cette absence de la vie dans la vie, sans la figurer sous les termes de l'ailleurs, mais en, disons, en réinterrogeant la façon dont la vie se perd. Se perd, c'est-à-dire, là j'étais concret dans mon livre, se s'enlise, s'aliène, se réifie. J'avais intérêt notamment à réévoquer des concepts marxistes pour les remettre en chantier par rapport à cela. Donc je crois que là, il y a un choix qui est un choix de philosophie. Voilà. La perspective de Rosset, elle se situe dans un cadre qui est d'inquiéter l'ontologie du dedans d'elle-même. Moi, j'ai fait le choix d'essayer de m'écarter de l'ontologie, eh bien, en essayant de quitter les termes de l'être. C'est difficile à faire quand on parle toujours dans une langue qui est le français, mais c'est deux entreprises différentes. François Livonnet, Oui, comparer les deux philosophies n'ont pas grand sens. La philosophie de Rosset, c'est une philosophie du réel, hein, de la singularité, de l'idiotie, hein, c'est un terme qui est bien du réel, et qui est d'abord un dispositif très drôle de critique et de mise en accusation de tout un idéalisme de pacotille. Mais je crois qu'on peut rapprocher François Julien et Clément Rosset à deux niveaux. D'abord, il y a chez tous les deux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure. Bon, une aventure intellectuelle, et une aventure intellectuelle qu'il s'agit de mener à bout contre vents et marées, hein, contre des hostilités aussi, parce que penser comme pense François Julien, comme pense Rosset, ça n'est pas bien vu, parce que les habitudes de pensée, les plis de pensée prennent le dessus. Et la seconde chose, c'est parce que l'un et l'autre ont un rapport tout à fait nouveau à la littérature. Chez Rosset, la référence, elle est philosophique, bien sûr, Hume par exemple, mais elle est souvent littéraire, et parfois trivialement littéraire. Parler des cocus, par exemple, quand il parle de Courteline, ou quand il parle de Tintin, c'est pas le cas chez François Julien, mais il y a un rapport à la littérature qui n'est pas un rapport d'illustration. La littérature n'est pas un complément. Il y a un dialogue de la philosophie avec la littérature qui permet peut-être de relancer la philosophie de lui apporter des ressources qui sont du côté de la littérature. J'ai dit en préambule qu'on ne parlerait pas de science dans cette émission, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous citez Einstein, François-Julien, ça m'a surpris. Vous citez Einstein qui dit « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, penser que rien n'est un miracle ou penser que tout est miracle. » Je ne connaissais pas cette citation, j'ai vérifié, elle est bien de lui. Comment est-ce que vous la comprenez ? Oui, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y a que Parce que deux façons pour vivre sa vie, c'est quand même pas beaucoup. Là, il n'y a que deux. Non, je pense qu'il y a... la vie qui s'écarte et l'autre. Et l'autre qui ne sait pas qu'il y a d'autres vies possibles. Je crois qu'il y a un de celles important. C'est qu'il n'y a pas une pluralité de vies possibles. Je pense qu'il y en a une qui est, je dirais, la vie qui n'a pas osé s'écarter, c'est-à-dire s'aventurer. Mais c'est ça qu'on appelle une vie normale ? Oui, normale. Alors, il n'y a pas de vie normale vraiment, parce que toute vie normale en même temps ne cesse de vouloir déborder sa norme. Je veux dire, il n'y a pas de vie comme ça dans les clous. Simplement, il y a un moment où on ose ou on n'ose pas. C'est-à-dire où l'écart qu'on engage dans sa vie est toujours, enfin, au départ à son insu, par petit décalage, par petite transformation. Il y a un moment où se pose le moment du est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je m'aventure encore? Et est-ce que s'ouvre un autre possible? Ou pas? Et je crois que là, c'est effectivement qu'il n'y a que deux vies. La question, c'est ce que Platon dit déjà au départ, n'est-ce pas, dans le tête-à-tête. Et est-ce qu'on peut encore communiquer entre ces deux vies? C'est la question qui se pose. Est-ce que, disons, la vie qui s'écarte s'isole du même coup? Quel rapport peut-elle garder avec le social? Et moi, j'étais attentif dans ce travail à regarder comment, justement, tous nous voulons déborder ce qui se laisse trop border notre vie. Je prends l'exemple de la double vie. La double vie, c'est justement une vie qui... L'adultère. Oui, l'adultère, pour le nommer comme ça, comme une figure principale de cette double vie, c'est quand même le fait de... À la fois, c'est mal vécu, c'est reproché, socialement, c'est plutôt condamné. En même temps, j'y vois bien une sorte d'effort de retrouver de la vraie vie dans le semblant de vie, d'une vie de couple qui s'endort, qui s'enlise, bref, qui n'est plus, disons, effective. Et ce qui m'inquiète et qui m'intéresse, c'est qu'à la fois celui qui ose cela s'en accuse, en tout cas le vit souvent mal, au lieu de penser qu'est-ce qu'il y a d'héroïque dans ce geste-là, de sortir d'une vie qui s'était racornie, et non seulement racornie, mais qui devenait fausse, n'est-ce pas, dans cette vie de couple, pour tenter comme il peut, et souvent comme il peut maladroit, d'en déborder pour retrouver de la vraie vie possible. C'est-à-dire enfin, qu'il y a un pont secret entre la double vie et puis ce que vous appelez la seconde vie. Alors, disons qu'il y a effectivement ces modalités qui toutes dérangent une sorte de vie installée. Étale, c'est mon terme. Étale, c'est-à-dire qui n'est pas en essor. Et je crois que nous avons tous effectivement nos survies de façon à essayer de sortir autant que possible d'une vie qui s'installe et qui donc se perd, s'étale. Alors, double vie, c'est au cours même de sa vie d'avoir une vie parallèle où on risque davantage. Seconde vie, c'est le second temps. Second temps, c'est-à-dire de se dire au fond, ma vie a commencé à se décaler, à se désinvestir de certaines choses qui paraissaient justement pseudos, illusoires, fantasmatiques, et à se réengager, à se réinvestir. Et là, je le réfléchis. L'important, c'est que dans les deux cas, il est important qu'il y ait une sorte de réflexion de cela qui fasse que de ce quelque chose qui vient, on puisse faire une décision. Et donc, un effet succède à cette décision qui est un effet d'affranchissement, un effet qui, par le biais de la réflexion, fait qu'on peut effectivement vouloir cette autre vie. On pourrait presque dire que la double vie est à l'espace, ce que la seconde vie est au temps. C'est un peu ça. Le paralysme d'une part et la succession de l'autre. C'est presque un concept de relativité finalement. François, l'art de revenir à la physique. À la physique, mais on attend un développement de ce point de vue. Ça viendra. Vous vouliez réagir peut-être à ce que vient de dire François-Julien. Simplement, on revient à cette idée que la seconde vie n'est pas une deuxième vie. Bon, c'est important de le noter parce que c'est pas en rupture avec une première vie. C'est dans la vie même que seconde, pas deuxième. Il n'y en a pas de troisième. Que cette seconde vie est la réalisation d'une certaine manière de la vie. Oui, parce que ce qui est important, c'est de, à la fois, c'est la difficulté de penser de l'autre sans qu'il se théâtralise en rupture. C'est là la difficulté. Qu'il se théâtralise en ailleurs, en rupture, parce que d'où viendrait la rupture au sein de la vie? Donc, quelle est cette attention que nous devons porter à ce qu'il y a d'abord petit décalage, petite décoïncidence, petit écart, mais qui se capitalisant et se réfléchissant surtout, peut ouvrir sur une décision, eh bien, d'engager ce qu'on appelait à l'époque la réforme, c'est pas réformer sa vie. De tirer bénéfice de ce qu'on a vécu, d'en tirer parti en cours de vie, au sein même de la vie, sans compter sur une autre vie, de façon à pouvoir hausser sa vie, c'est-à-dire exister au sens que j'ai dit tout à l'heure, d'où découle ensuite une conduite morale. La morale étant que résultative par rapport à ça. Toute vie est travaillée par le sentiment du manque, c'est ce que vous expliquez, et Raymond Queneau avait forgé un néologisme qui était ontalgie. Vous connaissez ce mot ? L'ontalgie, c'est la souffrance de l'être. La souffrance liée au fait d'être vivant. Est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser de cette souffrance? Oui, mais là, il y a une question qu'il ne faut pas dissimuler ou rater, qui est le fait que, au fond, ce dont on prend conscience en cours de vie, c'est que la satisfaction qui nous paraît combler la vie n'est pas satisfaisante. Ça, je crois que c'est le point essentiel. Parce que je pense que penser vivre, c'est le penser sur le mode du contradictoire. Je dis, on n'a pas accès immédiat à l'immédiat de la vie. De même, je dirais, ce qui t'amènera à l'épreuve à réfléchir, c'est que la satisfaction n'est pas satisfaisante. C'est ça qui est au départ de cette séparation. C'est pourquoi la fête est avant la fête. Oui, c'est pour ça que, disons, il n'y a pas de carpe diem facile, ou même possible, comme on peut l'envisager, etc. Et je crois que c'est ce contre quoi s'est cogné Freud, c'est contre quoi s'est cogné, disons, la pensée desquelles, est vigilante et qu'elle essaie de serrer de plus près, sous l'idéologique, ce qui peut être effectivement philosophique, et qu'il faut donc assumer cela. Si la satisfaction n'est pas satisfaisante, alors qu'est-ce que c'est que la vraie vie? C'est pas une vie de satisfaction, c'est une vie justement qui refuse la perte, qui refuse, et donc qui prend en charge le manque. Au lieu de chercher à combler, et là que je trouve qu'il est très fort dans Platon, le dialogue entre Socrate et Calliclès, c'est tonneau plein ou tonneau vide, n'est-ce pas? Tonneau plein, satisfaction, comblement, ou alors tonneau qui a un trou et qui s'évide. Et est-ce que vivre, c'est arriver à cette satisfaction qui serait celle de la sagesse, le comblement, le bonheur, ou est-ce que c'est laisser le trou percer? Et je pense qu'en fait, la réponse de Caliclès est vive, parce qu'il dit bien que c'est la vie satisfaite, c'est la vie qui devient celle de la pierre, n'est-ce pas, pétrifiée, donc réifiée, hein. Et qu'en même temps, il ne s'agit pas de penser la vie seulement sur le mode du panier percé et, disons, d'une sorte de surenchère du désir ou de la passion, etc. Donc c'est ni du côté de l'idéalisme, ni du côté du vitalisme. Et c'est ça qu'il faut essayer de défaire pour appréhender la vie en rapport à cette pensée du manque, non pas pour atteindre du comblement, ce qui serait de nouveau faire du paradis, mais pour au contraire reconnaître cette négativité à l'œuvre dans la vie et la faire servir activement dans cette capacité à dire non à la non-vie. Ça m'amène à deux questions, François-Julien. La première, c'est pourquoi est-ce que vous dites que la Chine est passée à côté de la question du bonheur? Et la seconde, c'est pourquoi lorsque vous écrivez bonheur, vous mettez une majuscule? Alors, la Chine, je trouve, est intéressante à cet égard, la pensée chinoise ancienne, parce que elle n'est pas passée à côté du bonheur, comme elle est passée à côté de l'être, mais elle se défait de la question du bonheur. Ça, je trouve très intéressant, notamment chez Zhuangzi, parce que dès lors que vous pensez bonheur, vous pensez malheur. Donc, vous introduisez une démarcation dans les mots qui, ensuite, eh bien, a un rôle, disons, d'emprise sur votre vie. Quand on dit « je suis heureux », c'est toujours une pause. C'est toujours quelque chose qui est forgé et figé par le langage et qui, quelque part, déjà recouvre notre existence. Alors pourquoi je mets bonheur avec une majuscule? Parce que c'est pour le dénoncer. C'est pour le présenter comme une sorte de chose kitsch, n'est-ce pas, comme ça, qu'on vend, marché du vent personnel, marché du bonheur, c'est ça, qui est une sorte d'hypostase stupide, n'est-ce pas? D'hypostase, d'où la majuscule, mais d'hypostase vide, ou disons inconsistante. Et c'est cette inconsistance qu'il faut dénoncer. Et donc vraie vie s'oppose à bonheur, au sens où vraie vie, c'est la vie, c'est vraiment vivre comme étant refus de la non-vie. Encore une fois, j'insiste, sans contenu positif, alors que le bonheur, c'est justement étaler ce contenu positif qui serait le bien-vivre ou le vivre heureux. Oui, le problème du bonheur, c'est s'entendre sur le contenu du bonheur, on le sait bien, c'est quelque chose qui est sans fin. On pourrait s'entendre sur l'évidence possible du malheur. C'est philosophiquement intéressant, d'ailleurs, peut-être, d'aborder la question du bonheur par son négatif et par l'expérience de son négatif. Mais ce qui me paraît important dans la pensée chinoise, c'est cette stratégie pour éviter de penser à la contradiction de façon générale et éviter d'entrer dans le piège du bonheur, je dirais. Parce que bonheur, évidemment, renvoie à malheur, renvoie donc à des ruptures, renvoie donc à une théâtralisation du vivre. Parce que, encore une fois, dire je suis heureux ou je suis malheureux, c'est toujours déjà une pause. Et qu'est-ce qui donc, par le langage, nous vient de pause, qui vient comme ça, déjà figer le vivre. Donc je crois que ce qui est intéressant dans la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, c'est cette façon dont elle a perçu des pièges dont elle s'est retirée. Donc il y a une stratégie, si vous voulez, d'évitement qui me paraît intéressante à penser. Du côté de la tradition de la sagesse, il y a au contraire une sorte d'étalement du thème du bonheur. Et je crois que, tu l'as dit, d'une part, quel contenu possible lui donner, et puis c'est rester dans l'ordre de la satisfaction. Alors je pense que c'est ça qu'il faut mettre à l'épreuve, interroger et fissurer, c'est l'idée qu'il puisse y avoir satisfaction et que la vraie vie soit la vie satisfaite, ce qui me paraît le non-sens. Le temps passe, il y a encore deux questions que je voudrais traiter avec vous deux. La première, c'est cette notion de coefficient d'attention à la vie qu'avait développé Bergson. Est-ce qu'aujourd'hui, François-Julien, vous pensez que le numérique, les cadrans, les écrans, qui sont de plus en plus nombreux, nous exproprient de la vraie vie? Mon concept de vraie vie d'existentiel devient politique et devient ensuite polémique. Et polémique, oui, parce que j'ai ça notamment en cible, à savoir la technicisation forcée. Nous installe dans la pseudo-vie, avec les écrans, justement, qui font écran. Et je crois que... Alors, je prends quelques scènes, par exemple... Vous racontez, oui, des... un couple comme ça au café qui s'est donné rendez-vous et chacun se trouve à pianoter sur son portable. Oui, je pense que c'est important à relever comme scène, parce que situations qui sont maintenant les plus courantes et qui font apparaître comment la vie se perd. C'est-à-dire la capacité du face-à-face, face amoureux, de la présence à l'autre, se perd sans qu'on le sache, tant que l'on prenne conscience, par le dispositif de technicisation qui s'impose à nous. Donc je crois qu'effectivement, il faut dénoncer ce que... Alors, sans faire le procès à la technique, c'est pas la technique en tant que telle, je reprends pas le procès à Heideggerien, non. Mais comment la technicisation forcée, et qui est forcée par le marché, parce qu'en fait c'est le commerce mondial qui a imposé ces formes de rapport à l'autre, passant par les écrans et par tout ça, et qui fait cette difficulté fondamentale aujourd'hui, c'est que c'est même plus à un titre d'adversaire, si vous voulez. Avant, on pouvait faire face au négatif, le dénoncer comme tel. Mais aujourd'hui, non, parce que, justement, comment résister à ce qui n'a pas de face? C'est ça qui est la difficulté, je dirais, idéologique majeure aujourd'hui. Comment faire face à ce qui n'a pas de face? Alors, cette technicisation forcée, elle s'impose à nous de façon ambiante, de façon prégnante, de façon pandémique. Et donc, comment encore avoir prise sur elle pour dire non? Puisque la vraie vie, c'est dire non à la non-vie. Ça sera le mot de la fin, François-Julien. Je vous remercie tous les deux, François-Julien et François Livonnet, merci, d'être venus partager ce moment de vraie vie, enfin, je l'espère. Je recommande la lecture de vos ouvrages, donc « De la vraie vie » de François-Julien, « Arrêt Concept », ouvrage dirigé par François Livonnet. Et puis, François Livonnet, vous avez écrit « François-Julien, une aventure qui a dérangé la philosophie ». Et j'invite nos auditeurs à réfléchir sur ce propos d'un sage chinois: l'homme du commun respire à partir de la gorge, le sage respire à partir des talons. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.